Maman, madame, madame, mokolo ya yenga, boko ya boya okuta, orchestre mi bale ko betawa. Zaiko, na langa langa, na oke jazz. Boya okuta, basio ma bele telema, na orchestre na bango. Basio pe ma bele kweya, na orchestre na bango. Bakata bele kweya, bako si na society, ba telemisi, ba ti pompi, fun kun fun, fun kun fun. Maman, madame, madame, niko. Oh, les gars, maman, y'a un sang, ou même la couteau massio. Oh, bah, tiens, la calme dans ma belle, et tali bango. Keba, attention, segment élongué. Yo, kan, zembo, yo, mama. Vinan, zembo, y'a kola, qui sert la vie à marina, mon balina, y'a, t'engue, baka, bana, ki. Bina yango mela tembo yo kali solo toye ba fote uta kananani baweli nini baweli komota bakende monganga mabe baluka matiti ya mboka mabe yo kanzembo yo mama bina nzembo ekola kisa yo la vie ya marina mobali na ye ndenge baka mwana ki bina yango mela tembo yo kali solo toye ba fote uta kananani baweli nini baweli komota bakene monganga mabe baluka matiti ya mboka mabe yo kanzembo yo mama bina nzembo ekola kisa yo la vie ya marina mobali na ye ndenge baka mwana ki bina yango mela tembo yo kali solo toye bafote utaka na nani baweli nini baweli komota bakene monganga mabe baluka matiti ya mboka mabe Epaya ke Maria toki simulate Epaya ke Maria sise mi aboti Champion Champion Nambulu tole ati ngulu Na embula zomi bande kona zwa kazemi tenzambeo Kasili kambo yango pe Bonsoir Lelo tombo ya ninga na François na zwize mi na boti mwana e Okwesplike na indenge nime, explike na rumenge ya mo Oh, banga makambo e Makambo ele kapanda koto ebite François François tambu sanga imbanda ko ya banganga nyoso na kisasa nzambe mawa na baza eto koma awanga na zania wali bumwe tondanga bazolo ko nzambe o lokola place oh oh oh banga makambo e makambo ele kabanda ko to ebite Ba famille François Balobanangai Mosala nangai kolia kolala Chaco Toke na dokotolo Dokotolo nyo sabe Alina François Bandeko Oh, oh, oh, oh, banga matamboe Makamboe le kabada koto ebite François Toke na visite ngai na François donc on la sangi biso masuba Oya ye mwindo alikambo Mokolo to komi na date ya masuba François Akimi akite kinga mbande kase na melaki tu na tongo ya mo please please oh mo mo banga makambole makambole kabanda koto ebite oh mo mo banga makambole mwasi ya pomi sekele François sekele François Zambé, pensaye qui toque en amontane Zambé. Bogara, n'est-ce pas, n'a chéke sima. Na lobi na François Naboutou, Balouka, Alobi, Azali, na yena kuit in Zambé. Abelaki Stol, oh, bon, bon, bon, banga makamboe. Makamboe le kabana koto ebite. François, comment contemple la Milangi à Tangaoussina, voiture en Zambé? Soki Batunie, Alobi, Zali, Ramfor, Yaye, à mon Congo en Zambé. Azao Kandula. Oh, oh, oh, banga makamboe. Makamboe le kabana koto ebite. Banga makamboe, masi a bomi sekele François. François Nzambe asala e mabe, apesa e eloko lokola bikie. Alakali kambo. Lokola netele. Soki bakosoli, Nzambe. Moi si un lobina François, l'encore à mon congo, Koufayo, Fukamana noué. À la bio, on va s'en aller aux États-Unis. Alex, ça s'appelle François, lobby à Coca-Cana et Macamo, tes Arakamungo, Bissiki, tes Angie et Bandeko. Oh, oh, oh, banga Macamboe. Macamboe, les cabanas, Koto ébite. Voici à bon, c'est qu'elle est François.